Tout le monde va bien? Merci pour la prochaine aussi, j'ai besoin de votre aide. Et Fred Chapelier au chant et à la guitare. Ça se passe comme ça, un blues café live. Merci beaucoup les amis. One, two, time to party, three, time to party. Four. Bonsoir à tous et bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cette toute première émission de l'année 2015. C'est le Blues Café Live, nous sommes ici au Millennium en public. Et le premier avec qui je vais avoir l'occasion de souhaiter mes vœux à la radio, c'est toi, cher Francis, meilleurs vœux. Bonne année à toi et c'est vrai que bonne année à tous puisque nous sommes début janvier. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir, et c'est pas banal, un duo qui porte le nom de l'un d'eux. Vous suivez? Bien. Fabien Tolosa est à la batterie, Harold Martinez au chant et à la guitare, et le duo s'appelle justement Harold Martinez. Bonsoir. I never forget my pain. Ne songez rien, vous êtes dans le Blues Café Live. Nous recevons ce soir Harold Martinez. I can't remember why I'm lost. I can't remember why I live in stones. And in this grave with human bones, to break stones and to sleep with a crows. I can't remember why I'm dead, but I drag my coffin in a chest, and I talk with human ghosts. I can't remember why I'm lost. I'm sorry for you, my love. I'm just a dead man, but I'm blue. I can't remember why many troubles strike and turning in my head, like the rain that falls on my grave. I can't remember why I'm dead. I can't remember why in my flesh I've been a warden, I've been shaken. I can't remember why I'm lost, but I drag my coffin in the tent. Sorry for you, my love. I'm just a dead man, but I'm real. I'm sorry for you, my love. I'm just a dead man, it could be real. I'm just a dead man, oh my love. I'm just a dead man, but I'm blue. I'm just a dead man like many others. Oh, tell me why I'm alone. I'm just a dead man in crazy bread. remember why you're living strong. And in this grave with human bones, to break some fantasy means a cross. Oh no, I can't remember why I'm down, but I drank my coffin in a field, and I talk with human ghosts. Oh, tell me why am I alone? I can't remember why I'm lost. Fabien Tolosa est à la batterie, Harold Martinez qui va nous rejoindre autour de cette table est au chant et à la guitare. Le dernier album en date s'appelle Dead Man, c'est un très très bel album, Dead Man. Bonsoir. Harold. Oui. Je disais tout à l'heure un duo qui porte le nom de l'un des deux. Ouais, parce que j'ai commencé tout seul à faire un peu de scène, bon, très peu, hein, et c'était pas prévu qu'on... C'était pas prévu qu'on le joue comme ça sur scène ensemble. En fait, c'est chez Fabien qu'on a fait le premier album, oui. Pardon Mom, enregistré chez lui, produit par lui. Et mais c'était pas prévu qu'on tourne avec. Et après, je sais pas, l'avenir a fait que ça a plu un petit peu. On a eu des dates. Du coup, on a réadapté le disque à la scène, c'est-à-dire un peu plus électrique. Oui, c'est ce que je voulais justement te demander, parce que tu nous montres ce premier album, Burn Mom, qui était quand même Burn Mom ou Burn Mom, je ne sais pas comment tu dis, qui était beaucoup plus acoustique. Et beaucoup plus bleu. Et beaucoup plus bleu. Et celui-ci qui s'appelle Dead Man. Voilà. Et qui a Fabien qui cherche. Bon, après, Dead Man qui est quand même plus électrique, certes, mais plus produit surtout. C'est ça, un tout petit peu. Un peu plus produit. Parce que celui-là a été fait dans un petit studio. Celui-là, c'est presque le même. Mais c'est pas seulement aussi une velléité de passer à quelque chose de plus électrique aussi. Non, mais on s'est rendu compte que sur scène, les deux plaisaient, le côté folk et le côté rock. Et puis il y a des morceaux qu'on a eu du mal à adapter du premier album que en folk. Du coup, on l'a fait électrique, c'était un peu plus facile et couillu. Et du coup, celui-là, c'était juste une envie de le faire comme ça. Alors on sent quand même pas mal d'influences dans ces deux albums, des influences qui sont pas forcément d'ailleurs blues, ou alors un blues qui serait borderline, éventuellement. Ouais. C'est vrai qu'il y a j'ai noté John Spencer, Nick Cave, Black Keys, etc. Oui. Bon, je pense que c'est des références que... Bien sûr. Ouais. Mais tu as vu les Black Keys, c'est pareil. En fait, tous comme Jack White, Spencer, ou tous ces gars-là, ou Nick Cave, ils parlent que de Robert Johnson, ils parlent tous de toute la base. Et puis j'en passe d'autres, bien sûr, que Buddy Guy et tout, donc ça reste toujours la même essence. Hein. On voit bien que sans le blues, on n'aurait rien fait, quoi. D'ailleurs, Harold, je ne sais pas si tu le ressens dans les festivals que tu fréquentes. Tu viens de citer des groupes qui marchent très fort. Jack White, tu cites les 16 Horsepower, tu cites les Black Keys. On voit qu'il y a un artiste aussi qui marche très fort, c'est Bror Junar Ganson. Oui, il y a un vrai revival aujourd'hui de ce blues. Ouais. Du coup, d'un blues qui sort un peu du blues des racines et qui va vraiment chercher des nouveaux sons, des nouvelles sonorités. Est-ce que tu le ressens, toi aussi ? On en parlait avec Rico, justement, de tout cet engouement qu'il y a, c'est pas d'hier, là, t'as vu, ça fait quelques années, ou grâce peut-être au One Man Band, les mecs courageux comme ça, comme Rico, qui partent seuls sur la route avec leur batterie. Rico, donc tu parles de They Call Me Rico, pardon. Voilà, qu'on a vu ici le mois dernier, qui sera également là ce soir avec toi sur scène dans quelques instants. Exactement. Voilà. Et donc voilà, oui, tu vois tout cet engouement de blues qui revient et qui plaît énormément, tant mieux. Y compris chez les jeunes d'ailleurs. Il paraît. Je croyais que c'était plus de pop, mais... Justement, on parlait de retour au blues, l'inspiration du sud des États-Unis. Ouais. Vous êtes un duo du sud de la France. Ouais, après ouais. tout, il y a des marais pas très loin de Nîmes, la Camargue. Vous êtes aussi marqué votre territoire avec un son un peu vaudou de temps en temps. Donc, les marais du sud de la Louisiane. Ouais. Non, mais ça reste ça. C'est vrai qu'après, tu sais, près de chez nous, on a les Sainte-Marie. Et c'est, quand j'étais gosse, j'allais là-bas beaucoup. Tu as des chevaux, des taureaux. Voilà, tu te prends vite pour un cow-boy, quoi. Il y a un petit truc comme ça. Alors, on parlait de ce blues revival. Il y a quelqu'un également qui marche très fort en ce moment. Il s'appelle Gary Clark. Gary Clark, le grand public l'a connu en 2012 lorsqu'il a sorti ce qui s'apparente comme son premier album. En fait, c'était son premier album sur une major. Il avait sorti pas mal de disques autoproduits avant. Gary Clark vient de sortir un tout nouvel album live, un double album live, et on vous le recommande. Et cet album, nous l'avons reçu grâce à Betsy Brown, et on lui fait un petit coucou, parce que si vous assistez, si vous assistiez à cette émission ici au Millennium, lorsque nous l'avons enregistré avec Awek, Betsy Brown avait fait le voyage de Memphis, ce qui est quand même plutôt sympa, pour venir assister à cette émission. On écoute Gary Clark Jr. avec ce titre qui s'appelle Travis County. Et juste après, on retrouve Harold Martinez sur la scène du Millennium. Ooh. Vous êtes bien dans le Blues Café Live et sur la scène du Millennium, il y a Harold Martinez. Et il n'est pas seul avec monsieur They Call Me Rico. Give you. Hold on. Now we get to fall the throne. Hold on. Here's the heat of a burning flame. Hold on. I read you to my veil. Give you a Martinez et Vecol Mirico. Feeling in my head. Such a dick. a look at my palm. She said, "Sonny feels kind of warm. Look into a crystal ball. Said you're in love. Said it could not be so. I'm not fashion with the girls I know. When the next one arrives, looking into her eyes. As if it came from up above. While looking at the fortune teller, I fell in love. Oh. All right, Fabian. One, two, one, two, three, four. And we're happy as we can be. Give up what you told for free. Harold Martinez, ce soir, est notre invité dans le Blues Café. Il était accompagné ce soir de They Call Me Rico. Et on va lui demander d'ailleurs de venir nous rejoindre, ainsi que monsieur Harold Martinez. Et Mathieu de Jaspire Productions. Rico, cette reprise de Fortune Teller. Ouf, ça nous replonge dans les années 60. Hein. Oui, exactement. Rico, ça fait plaisir en tout cas de te voir debout. On n'a pas l'habitude parce que donc pour le public qui écoute le Blues Café, il faut rappeler que tu joues aujourd'hui dans cette formule qui s'appelle donc They Call Me Rico, qui est un one man band, donc tu joues tout seul. Oui, ça exactement. Fait quoi de retrouver comme ça des musiciens? Ça fait du bien. Je trouve ça comme plus facile en fait. Je me rends compte que je me casse la tête pour rien vouloir tout faire tout seul, mais bon. Non, ça va. En fait, je trouve ça. C'est le fun de partager le plaisir de la scène avec d'autres, en fait. Parce que souvent, on est seul, on vit les beaux moments seuls, mais quand ça marche moins bien, on est seul aussi, mais c'est plaisant d'être avec d'autres gens. Voilà, on rappelle le nom de ton dernier album, This Kind of Life. On rappelle également ce live qui est disponible sur ton site gratuitement, le live que tu avais enregistré à Jazz à Vienne. Harold, oui. Jouer avec Rico. Alors, on demandera tout à l'heure à Mathieu qui est en fait le lien... Finalement, ouais, entre Harold Martinez et Rico, tourneur, puisque Jaspire manage les deux groupes. Mm-hmm. Mais quel effet ça te c'est fait comme honneur. Ça de jouer avec Rico honneur, parce qu'on est plaisir. Un peu loin des atmosphères camarguaises. Ouais. Mais ça s'en rapproche un peu avec le blues qu'il fait, le rock. Et c'est un être fabuleux, cet homme. On s'était rencontrés à Beauvais. Au blues sur le zinc. Blues autour du zinc. Autour du zinc, pardon. Ouais, tout à fait. Et ouais. Voilà, c'était déjà une belle rencontre. Et là, ça, ça concrétise un peu tout ça, grâce à Mathieu qui crée le lien. Et alors Mathieu, justement, Mathieu qui est l'un des responsables de Jaspire en production, qui n'est pas loin du Blues Café, hein, une vingtaine de kilomètres à Saint-Jean-de-Bournay. Exactement. Et qui manage pas mal d'artistes, dont Zeco Milrico, dont Harold Martinez et dont aussi Olivier Gauthier, que nous aurons la chance d'avoir au mois d'avril. Alors, cette rencontre, en effet, ça s'est passé à Beauvais lors du festival Blues Autour du Zinc. Comment t'as fait ? T'as dit lui il me plaît, allez hop. Non, en fait, on était programmé avec Zeco Milrico. Donc moi, j'étais en tournée, je l'accompagnais, on était en tournée là-bas. Et on s'est retrouvé, le fruit du hasard, en fait, à avoir deux dates dans les mêmes bars avec Harold Martinez. Et ça a été vraiment une belle surprise. Et personnellement, une belle gifle musicale. Et puis après, l'humain est là, on discute, blablabla. Et puis on est resté en contact. Et c'est cool parce que du coup, on travaille ensemble après quelques mois de discute derrière. Donc c'est chouette. Alors, manager des artistes comme Harold Martinez ou Rico, comment ça se passe ? C'est une histoire de date à trouver ou est-ce que tu interviens aussi sur leur projet artistique ? Le projet artistique, ça reste le leur avant toute chose. Je donne mon avis, évidemment. Après, il est écouté, il n'est pas écouté. Ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est vraiment leur projet. Le choix de travailler avec ces groupes-là, c'est surtout un feeling, quoi. Un feeling musical, un feeling humain. L'humain est très important parce qu'on est quand même, on travaille ensemble main dans la main, à peu près tous les jours au téléphone. Donc si on s'entend pas, ça marche pas. Puis faut rappeler que Jaspire est une association, c'est ça. À votre tour, vous êtes pas quand Francis effectivement te présentait comme tourneur, vous êtes quand même une association qui est bien implantée à Saint-Jean-de-Bournay. Vous avez cette activité de tourneur, vous avez aussi une activité d'organisateur de concerts. Donc forcément, dans le côté associatif, j'imagine que le côté humain est encore plus important que dans une boîte privée. C'est ça, ça fait 13 ans qu'on existe, c'est quelque chose qui a toujours été à la base, donc non, l'humain reste vraiment le cœur de tout. Et après, bon, évidemment, sur la musique, il faut qu'il y ait quand même... c'est compliqué quand même de travailler avec de la musique que t'aimes pas, donc si t'as pas le coup de cœur, ça marche pas. Et les deux, alors du coup, c'est la confrontation quand même de deux univers musicaux assez différents. C'était assez surprenant de vous voir jouer ce soir sur scène tous les deux. C'était encore plus surprenant de voir effectivement le plaisir que vous avez pris, je pense, tous les deux à jouer ensemble sur la même scène. Alors est-ce que vous avez envie de le refaire ? Tu devances ma question. Ouais. Et pourquoi pas, éventuellement, avec les artistes Jaspire, peut-être privilégier ce type de pour les duo, autres, tu veux dire ? Pourquoi pour les... pas aussi avec Olivier Gauthier, par exemple. Rico Martinez, ça sonne bien, ça sonne bien. Espagnol déjà, ça fonctionne. Ça fait latino aussi. C'est un bon nom de groupe. Ouais. Bon, adieu le sud des États-Unis, adieu les marais de Camargue, bonjour. Et justement, Harold, si tu veux bien reprendre le micro, il y a quand même une. Quand même, malgré tout, une différence d'atmosphère entre la musique de Rico et puis, et puis la tienne. Bon, avoir longuement écouté tes albums, ils sont quand même malgré tout peuplés de fantômes, hein, de morts aussi, de chemin de la mort, de choses un petit peu... De tristesse, alors que la musique de Rico, c'est une musique quand même énergique. Oui, c'est vrai, mais je suis comme ça. Mais jusqu'au visuel de la pochette, d'ailleurs, sait pas trop, ça représente un personnage assez mystérieux. Les yeux, on ne les voit pas. Derrière, au fond, l'arbre, il y a un pendu. Ouais. Tu restes avec nous jusqu'au bout, quand même. Oui, bon. Au moins ce soir, en tout cas. C'est vrai que ta musique, on peut assez facilement, je trouve, l'associer à des films, en fait, à du cinéma. On pense, Dead Man, d'ailleurs, est un film de Jim Jarmusch. Je ne sais pas si c'est un hommage que tu as voulu lui rendre. Mais... Après, j'ai beaucoup aimé la BO de Neil Young et tout, mais non, c'est pas un hommage. D'accord. C'était vraiment, j'aurais aimé prendre juste le mot homme mort. C'était juste ça, c'était le parcours d'un homme. Après, je souligne que tout ça... Tu vois, le coup BO, ça fait penser à un film. C'est parce que Fabien aussi fait tous les arrangements qu'il y a autour. Tout ce que tu as au début de l'album, à la fin de l'album, au milieu, c'est tout le lien, je ne sais pas comment on dit, tu vois, entre chaque morceau, c'est-à-dire du violon, le piano, les chaînes, tous ces bruits-là, le tonnerre sur Vanishing, tu vois, tout ça, c'est tout ça aussi. Voilà. Un album qui annonce la fin des temps. Ben ouais, mais c'est un peu ça, non ? Ouais. J'espère pas tout de suite. On a encore un peu de temps. Allez, on va voyager. Bah, merci. Harold, on va faire une petite pause musicale avec un très très beau livre CD, un livre avec deux CD. Le livre s'appelle Le Mississippi, The Song of the Rivers. C'est un projet vraiment très intéressant où ce label qui s'appelle Accords Croisés a remonté le Mississippi et ils ont trouvé des groupes comme ça qui illustrent différents pays. On retrouve notamment Monsieur Kermit Ruffin, ce qu'on a vu dans la bande originale de Tremé, ou alors Léo Bud Welch, que nous avons eu le plaisir de voir lors du dernier Blues Rules Festival. Vraiment un très bel objet, Francis. Oui, parce que je l'ai sous les yeux, je le feuillette, je le regarde, et la musique que j'ai écoutée m'a beaucoup plu aussi, mais elle est magnifique, ouais. On écoute The pas de Noël, c'est passé, mais jour de l'an, alors. On écoute The Homemade Jam Blues Band. Well, I'm Homemade Jam Blues Band avec Oboman. On retrouve tout de suite Monsieur Harold Martinez, il est sur la scène du Blues Café Live. Merci. I'm run after crowd. I'm a blonde brother. I'm run after crowd. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. We send out current plates. Hey, hey. Cape Stock, we stay in. Hey, hey. My hair floating brown. Hey, hey. Like a eagle, like a sun. Hey, hey. I'm just racing up. Hey, hey. I'm just racing up, hey, hey. I'm just racing, hey, hey. I'm just racing, hey, hey. I'm just racing, hey, hey. I'm just racing. Hey, hey. We'll be right back. Ouais. Merci beaucoup. Allez, la dernière, merci. There ain't no place for you, my man. I get my freedom on the run. I'll tune down and raise a thread. He's not a heaven on earth, my friend. I take my gun to smash your head. Rider on my ground, like a stranger with a load. I'm not a hero, a crazy death. There ain't no place for you, my bro. I got your face in my sight, and I told you, oh my friend, I don't care what the price of life. I take my gun to smash your head. Smash your head, oh come on. Oh yes, come on. Oh come on. Oh come on. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Harold Martinez dans le Blues Café Live. On va demander à Harold de revenir pour une minute et demie. Ça va, Harold? Tout se passe bien? Ben, ce que je veux savoir, qu'est-ce que je veux savoir? Tiens, il paraît que vous avez été surfeur tous les deux. Hey, hey. Oui, ouais. Fais skate, beaucoup de skate. Du skate ou du surf? Du skate. Bon, et vous êtes encore vivant, encore intact. Mais tu sais, la scène skate, c'est, ça draine beaucoup de musique aussi. Oui. Voilà, ça, bon, c'était toute l'époque du rock'n'roll, le grunge, surf, tout surf ça. Rock, ouais. Voilà, un peu tout ça, tout ce qui va avec, que ce soit le folk aussi. Harold, voilà. Il y a un truc que j'ai remarqué, moi, dans ce nouvel album, c'est... j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, que les titres sont plus longs que le premier. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour instaurer une sorte de climat, d'ambiance, d'atmosphère? Non, ça se fait comme ça. Ah bon? bon, voilà. Non, je... non, mais j'avais même pas remarqué. Non, je pense que ce qui fait qu'ils sont plus longs, c'est qu'il y a plus d'arrangements, du coup. J'ai dit plus longs aussi. Oui, oui, plus longs, c'est ça. Hein, plus long, pas plus lent. Non, non, plus long, ouais, c'est ça. Avec plus d'arrangements, ils sont, ouais, ils s'étirent un petit peu plus. Voilà, essayer de se. Bah, tu vois, j'avais l'impression morceaux que c'était pour créer une atmosphère. Et bien, non, mais ça s'est fait tout seul. Eh bien non, ouais. Il y a aussi une sobriété du jeu quand même qu'on retrouve dans tous ces titres. Et là aussi, tu vas me dire non, c'est pas encore ça, mais j'ai l'impression que cette sobriété favorise une intensité. Si. Non, non, non, mais tu as raison. C'était coefficient 6, là. Non, mais après, tu as vu, ça reste c'est des accords ouverts, des accords ouais, qui filent droit, tu as deux, trois accords. C'est comme le blues, hein, c'est plus l'émotion. Après, le reste... L'émotion, elle est donnée aussi par ta voix quand même. Tu as une voix assez haute, ouais, ouais, une voix aussi qui vibre un peu, mm-hmm, presque éthérée parfois. Ouais, ouais. Et c'est ta voix naturelle ou c'est une voix que tu utilises pour non, non, je travaille. Faire passer ma voix naturelle, tu as vu, non, j'ai pas une voix très grave, mais sur scène, ça sort comme ça. Je m'entraîne pas à faire ça. Ou... En tout cas, on te sent assez, on te sent assez habité, effectivement, quand tu chantes. C'est ce que tu disais à l'instant, l'émotion, elle passe vraiment beaucoup par ta voix. Avant cet album de Burn Mom, tu avais d'autres formations. Comment s'est fait ce travail sur la voix? Est-ce que tu l'as testé aussi avec d'autres groupes, par exemple? Fabien, lui, ça fait beaucoup plus d'années que moi qu'il est sur la route. Il a joué avec beaucoup de groupes, américains, français, tout ça. Et même si on se connaît depuis très longtemps, on a joué ensemble dans un groupe qui s'appelait Clan Edison, un groupe plutôt de stoner. On nous a aussi beaucoup qualifié, Sixteen Hours Power, tout ça. Mais moi, j'étais au chant, très peu, plutôt au chœur, mm-hmm, et basse. Et donc, j'ai commencé à faire de la scène grâce à ça. Heureusement, d'ailleurs, ça m'a bien formé, tu vois, parce qu'après d'arriver comme ça... Il te pulse, hein, en même temps, Fabien, d'ailleurs, hein, c'est le cheval fougueux. Hein. À fond les ballots, ouais, ouais. Non, non, c'est clair, ouais. Ouais. Cet album, donc, disait tout à l'heure hors antenne que vous alliez déjà préparer un troisième, un ouais, troisième album. Ouais, bon, après, il sera prêt. Celui-ci date, il faut le dire, que celui-ci date de février-mars hein, dernier. C'est ça. Ouais. Donc, un nouvel album qui sortirait peut-être au fin 2015, 2016. Voilà. Tu vois, février 2016 au plus tard. Ça fait 2 ans, c'est bien. Les morceaux sont déjà étudiés. Ouais. Il y aura des guests, il y aura... Souvent, on a envie d'inviter parfois un musicien dans un nouvel album, non? Je sais pas pour l'instant. Je sais pas du tout. Après, ouais, les morceaux, ils sont presque là. Enfin, ils sont là. Après, c'est le même univers. Ce sera pas du reggae, quoi. Ouais. Enfin, pas encore, en tout cas. Il y a quand même une dernière question avant de vous. Peut-être, on a encore le temps que vous jouiez sur la scène. Avec plaisir. Ouais. Donc, ces dessins là, ces dessins qu'on voit sur ouais, le premier album, deuxième album, on en a parlé tout à l'heure, qu'on verra peut-être aussi sur le troisième album. C'est oui. Qui fait ça? C'est Monsieur Valparès, c'est Christophe Blanc. Valparès, c'est son surnom. C'est un graphiste qui est chez nous à Nîmes, qui a réalisé, tu sais, le clip. Dead Man aussi, ouais, qui est le clip plutôt, enfin, une captation visuelle à l'épicerie moderne à Faisin, qui a fait Killer Crow, qui fait nos affiches, les t-shirts, le peu qu'on a, et qui fait donc ça. Et comme l'idée, c'est un genre de triptyque, c'est le premier, c'était en hommage à ma mère, qui est morte. Ouais. Le second, c'est l'histoire de de l'homme mort. Et le troisième, ça sera une sorte de fin. Bon, après, c'est très imagé, tout ça, c'est très fantasmé, mais l'idée, c'est ça. De fin, parce que du coup, on peut encore faire une fin après l'homme mort et... Ouais. Bon. Ouais. C'est marrant, d'ailleurs, parce que quand on lit, effectivement, les titres, c'est vrai que ton univers est quand même assez noir. On parle de prison, dead man, killer, slave, blood... Alors que quand on te voit et quand on a le plaisir de discuter avec toi, tu es plutôt quelqu'un d'assez positif, on va dire, ouais. Non? Non, mais je crois que c'est comme ceux qui font des films noirs. C'est ou ça, des... c'est une façon de... Ou des romans noirs, tu vois, les mecs s'infiltrent dans la peau d'un serial killer et qui tue des gamins toute la journée. Il le fait pas spécialement, mais c'est vrai. D'accord. Donc c'est l'idée, moi j'aime beaucoup le cinéma, du coup c'est plutôt ça, c'est... Comme je ne ferais pas de cinéma, c'est plutôt... Mais c'est un exutoire, c'est peut-être aussi exactement. Une façon pour toi d'exprimer ce côté-là de toi que tu n'exprimes pas forcément dans la vie, quoi. Si aussi, mais là, c'est vrai que je le fais plus. Bon, c'est plus facile, hein, plus avec l'anglais et tout, ce côté romantico, fantasmagorique. les textes, tes textes, c'est presque de la littérature. Et, c'est gentil. Et j'ai noté que, peut-être y a-t-il un rapprochement, que vous avez joué pour lors d'une dédicace d'un écrivain que tu apprécies par ailleurs, qui Olivier s'appelle Olivier Martinelli. Je ne le connaissais pas moi personnellement. C'est un écrivain sétois de Sète, donc et fondateur d'une maison d'édition, je crois, puis d'un festival. Le festival, je sais pas. Si, qui s'appelle la Fonderie, le festival de la Fonderie à Sète. Voilà, je sais tout. On me l'avait dit. Hein. Mais donc c'est un gars qui écrit justement, c'était pour son second roman. Ça, je sais pas. Roman noir aussi, un peu sur le rock et tout. Donc ça allait de pair de faire un genre de showcase avec lui. C'était une très belle expérience aussi. Merci beaucoup, Harold. On va te laisser rejoindre la scène du Blues Café parce que. Si tu en es d'accord, on va écouter encore un petit dernier titre, peut-être extrait de cet album Dead Men. Nous, on remercie toute l'équipe du Millennium. On vous rappelle que vous nous retrouvez sur le www.bluesactu.com et que vous pouvez nous retrouver ici en public tous les deux mois au Millennium de l'île d'Avaux. Profitez-en parce que l'entrée est libre et gratuite. À très bientôt, on se quitte avec Harold Martinez. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abeau. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. Skin. I see smoke in my brain. Under my bones I see run in my vein. Under my grain I see burn with my chin. Awful and angel, I'm so sorry for your grace. Awful and angel, I'm so sorry for my race. Forever dance with my lovely gold. Forever dance in a dust of gold. Forever dance with my lovely gold. Forever dance when my blood is old. With my lovely gold. With my lovely gold. My body shakes. My heart is dead.